Tu sais, on parle du jeu de l'esprit. C'est des jeux d'esprit. Tant qu'il y a des jeux d'esprit, il n'y a pas d'intelligence dans l'homme. Pour me parler, parce que le monde, puis dis-moi, j'ai jamais fait de spiritueux de la loi, tu t'arrêtes une tête. Pas comme dans la tête de l'autre, pour avoir une intention, puis tu parles de trucs. C'est ça. Peut-être pas avec les gens qui sont morts, mais les gens qui ont envie, t'es différent. Qu'est-ce que... En tout cas, on a du fun. Elle va passer celle-là. Est-ce qu'un mot est toujours la créature exacte de l'énergie qui le vit? Si un mot est la créature exacte de l'énergie qui le vit, un mot est toujours la créature ou la création de l'énergie qui le véhicule, mais l'énergie qui le véhicule n'est pas toujours pure, parce qu'elle est astralisée. Alors, automatiquement, le mot n'a pas le sens profond de l'intelligence. Mais le mot est toujours éclairant, l'énergie qui le véhicule. Oui, mais elle est colorée. Le mot est exact par l'énergie quand même. Automatiquement, t'as pas accès à l'intelligence, qui est le produit du mouvement de l'énergie dans ton centre mental. D'avoir avec ça aussi, si je veux quelque chose, je trouve pas le mot, mais c'est pas d'énergie derrière pour me rendre. L'énergie est là, mais c'est l'énergie est là, mais colorée. Puis elle ne peut pas remplir la fonction que tu voudrais qu'elle remplisse. Fait que tu n'as pas le mot. En tout cas, si Hélène a pu se gruger le porte-crotte. Ah, il est intéressant. Il y avait pas la cassette dedans. J'étais en train d'écouter une des cassettes qui te disait quand l'homme prend en contact avec les gens déjà de l'autre range, bang! Qu'est-ce que vous comprenez pas? Hein? Qu'est-ce qui est Dieu? C'est pas grave? C'est pas grave de répondre. Mais allez-donc dans votre tête pourquoi vous n'êtes pas capable de répondre. Si vous avez comme réponse. Votre tête est-tu vide? Oui. Il y a de la pensée? Hein? Ben oui, mais il y a de la pensée ou est vide? Es-tu vide ou rien de pensée? Mais ça, t'es pas de pensée, je sens pas qu'il est vide. Je sentais pas qu'il est vide. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile dans votre vie à vous? C'est le doute. Le doute. Le doute. Le doute de quoi? Le doute de moi. De vous-même. Puis votre doute, il y a quelle apparence? Qu'est-ce qui crée le doute en vous? C'est un paquet d'interférences, finalement. C'est-à-dire qu'une fois, c'est comme ça, c'est pas comme ça, ça arrive comme ça, c'est plus comme ça. C'est rare où je suis vraiment certaine de ce que, là, de ce que je fais. Il y a ce que je peux dire. Oui. Même de ce que j'en fais. C'est extraordinaire. Parce que les gens qui sont bons, là, bons, les gens évolués, ils ont des problèmes. Les gens qui sont réellement négatifs, ils n'auront pas de problème. Là. Ça marche. Ils tuent, puis ils détruisent. Ah ouais, donc, tu sais, des Kadhafi. Ils n'ont pas de doute, eux autres. Les gens, là, qui sont prêts à faire un pas, qui sont comme pris entre l'air et la glace. Entre l'air et l'eau. Ils sont pas dans la glace. Ça vient tout de notre éducation. Notre éducation. Les gens, on dit populairement, les gens, ils se posent pas de questions. Ouais. Ah, ils se posent pas de questions. Mais c'est vrai, Effectivement, c'est vrai. Nous autres, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Mais quand on se pose pas de questions. Ouais, mais c'est dur de pas se poser de questions. Ou quand t'observes aussi. Moi, j'ai constaté une affaire, c'est que j'avais à peu près une constante dans ma vie, c'est qu'il y en a pas de constante. Je suis pas capable de rien observer. J'observe de quoi, ça change. Je regarde, bon, là, ça va faire un bout de dessus, puis ça change. Ça change tout le temps. Fait que là, c'est ça, t'as plus de stars, là, t'es. Tu parles, là, mais je décroche. Tu dis, ça a changé, là. C'est bon. Peut-être parce qu'on s'est fait dire que si on se poserait pas de questions, on pourrait faire des gestes qu'on regretterait. Comme Kadhafi. C'est comme si on s'était fait dire, si tu poses pas, tu penses pas deux fois avant de vivre, tu seras viré comme Kadhafi. Tout revient au fait que vous n'êtes pas conscient de votre mental supérieur. Vous n'êtes aucunement conscient de votre mental supérieur. Vous êtes inconscient de votre mental inférieur. Vous ne réalisez pas que votre mental supérieur est actif derrière votre mental inférieur. Seulement, vous allez toujours vers le mental inférieur. Tout le temps vers le mental inférieur. Fait qu'éventuellement, le mental supérieur, il s'atrophie. C'est correct parce que moi je trouve qu'on est orgueilleux, hein. Fait que quand on est orgueilleux, on est suffisant. Comprends-tu? Moi je suis orgueilleuse. Je suis même orgueilleuse du cerveau. Puis l'orgueil, elle a la propriété de nous caler. On se sent jamais autant chien là-dessus que quand on est orgueilleux. Ouais, mais d'un autre côté, on se sent. Il y a deux mouvements dans l'orgueil. Il y a un mouvement dans l'orgueil qui nous descend, puis il y a un mouvement dans l'orgueil qui nous monte.

dans l'ego pour amoindrir l'ego, pour le descendre de l'ego, pour que ce qui demeure le plus important pour eux au début, c'est l'affaire en dedans, pis c'est là que les gens spiritualisent. Là, ils sont obligés de faire un cercle over. Pis dans d'autres cas, ça n'existe pas, mais on a le Dr. Arbeck, c'est un exemple. Dr. Arbeck, au niveau matériel, c'est un médecin. Comment est-ce qu'il y a de monde qui voudrait être médecin? Un médecin. Lui, il faut qu'il fête pour l'en-dedans. Il y en a d'autres qui ont l'en-dedans, il faut qu'il fête pour l'extérieur. Puis il y en a d'autres qui ont un petit peu de l'en-dedans et de l'extérieur. Fait qu'il n'y a pas une personne. Ça se fait juste avec le temps. Ça se fait juste avec le temps. Les deux. Ouais. Mais il n'y a pas une personne pareille. Ouais, d'accord. Cette fierté dans le travail, c'est... Oui, tu penses que j'allais pas aimer ça, être psychiatre? Puis avec mon papier sur le mur, ça va être un mot du bon psychiatre. Non. The hard way. Même toi, quand ça a fait un couple, tu dis, moi, je suis en psychiatre. Alors, puis avoir l'ego, il y a une autre, parce que... Il y a une psychiatre. Bon. Bon, moi, éventuellement, ça a devenu conscient. La fierté dont tu parlais, c'est une sorte d'un caractère qui aide l'individu jusqu'à un certain point. Normal, la fierté. Tu serais m'en venir aussi, tu parlais que tu n'allais pas avoir de fierté. J'ai jamais dit ça. Non. Jamais vu de ça. Okay. Ben, je me rappelle plus de comment tu as dit ça, mais ça ressemblait à ça. Je n'ai pas de mémoire, mais je m'en rappelle. Rama, si t'es pas capable de me citer correctement, cite-moi pas. Tu m'enlèves les deux dans ma mémoire. Tout ça. Ah, j'ai une bonne mémoire. Je sais pas si c'est pour ça que j'appelle. T'es étonnant, ce Rama. T'en as, t'es fier. T'es pas orgueilleux. T'es fier. T'es entêté, Ramon. T'es comique, toi. C'est ma chaise de porte de. Tu veux pis tu veux pas, tu Hercule avant Hercule. Mais ils disent que tu rentres dans la bonne direction. Qu'est-ce que c'est la marge, hein? La crainte de ses pensées puis la haine de ses pensées? Il y a une nuance, OK. C'est deux plans différents. Mm. La haine de ses pensées, c'est la haine de penser, la souffrance. C'est à quoi l'autre? La crainte de se penser, c'est l'inquiétude d'avancer dans des domaines qui peuvent troubler notre esprit. Deux plans différents. La crainte de partir correct ou pas partir correct. Un avoir peur. C'est extraordinaire le monde de la pensée quand c'est créatif. Moi, j'aimerais ça, rencontrer le monde, les gens de ça. T'en prends un, là, tu le débloques, t'en prends un autre, tu le débloques. On avait des amis. Wow! Tout le monde. Ça dépend combien de temps tu consacres à quelqu'un. Ça serait une mouquette. Okay, hein? Moi, j'ai débloqué Gisèle, ça m'a pris 5 ans. Pour l'amener à un point là où elle pouvait se suffire à elle-même. La connaissait pas, Gisèle? Non, mais... Y en a-tu qui la connaissent, Gisèle? Non. C'est une belle fille, tu vois. C'est une personne extraordinaire. Extraordinaire. Si c'était pas d'elle, je pourrais pas faire ce que je fais. Extraordinaire comme personne. On le sait pas, mais on le sait. Oui, ouais, c'est ça. On le sait. Ouais. On n'est pas en train de l'exprimer, mon Dieu. Elle n'a aucune vanité, elle n'a aucun orgueil. C'est ça, le plan. Si une personne qui aime le monde, c'est elle. Je comprends pour répondre au téléphone à 14 du matin. Ouais. Puis plus elle vieillit, plus elle a jeune. En tout cas, l'affaire de la haine, là, essayez de regarder ça, puis c'est bien n'importe quoi. Mais dans le cadre de la haine consciente, ça a des répercussions dans l'homme extraordinaire. Oui, tu comprends ça, Hélène, ce que je veux dire. La fin d'un, au moins qu'il y en a un qui comprend. C'est bien important. Crois-toi qu'on dit ça. Il est sourd. Il entend ce qu'il veut. Tu comprends ça? Étais-tu là, soir? Tu viens sur la fin de l'air? Oui. C'est pas mal fantastique, ça, parce que... Je m'en veux dire quelque chose, hein? Je me fie sur bien du monde, ça paraît pas, parce que je... Mais je me fie sur beaucoup de monde dans vous autres. Je me fie sur du monde parce que je sais qu'un jour, il y a du monde qui iront à ce monde-là pour dire, mais qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est? Il y a du monde. Comme elle, quand elle est ici, elle, je me fie sur elle. Et là, parce que moi, je sais que quand je vais cesser mes activités, ça va faire comme un gros vide. Puis il va falloir que ça continue l'énergie. Puis ce monde-là grandisse, puis grandisse, puis grandisse, puis l'intelligence se raffine, puis raffine. C'est comme des phares. Pour moi, ces gens-là sont comme des phares. Sur l'eau, des phares. Des points de repère. Ouais, des points de repère. Puis je tiens beaucoup à ces gens-là. Pas pour moi personnellement, mais pour vous autres. Il y a des gens qui se sont donné certaines facultés pour saisir plus rapidement que d'autres certaines choses pour que plus tard ça puisse servir. C'est pour ça quand je parle des crotos, des ci, des ça, des lèvres, là. Soyez suffisamment dans l'intelligence pour vous rappeler que c'est moi qui vous ai indiqué ces gens-là. Vous avez indiqué pour des raisons qui vous serviront plus tard, dans une condition, dans une autre. Ce n'est pas vous, ce sera d'autres personnes qui passeront par vous. Chacune de ces personnes est différente. Elle, la façon qu'elle parle, c'est une vibration, puis l'autre, c'est une vibration, puis un autre, c'est une vibration, puis l'autre, c'est une vibration. Puis les gens vont lancer, mais il y en a un autre, ça va être sa vibration. Comme à moi, dans 7-8 ans, ça va être une autre vibration. De sorte que l'intelligence, elle se manifeste dans un éventail de personnalités pour servir plusieurs types d'individus. Guy Grotto, c'est un de mes 15 amis. Après le temps. Oh, il est là. C'est un Grotto qui il y a moins de vanité à Grotto que dans Besson. Mais ça, c'est pour d'autres raisons. On ressent un peu d'égo quand tu... C'est pas vrai, hein? Non. On dirait que je suis pas Il y a une grande vision des choses dans la délégation d'une énergie. Moi, quand je parle des gens comme ça, que je pointe des gens, je vous les pointe en relation de ce qu'ils me disent. Ouais. Je m'assieds comme là, je t'assieds ici, puis ils me parlent de Croteau, puis non, ils me parlent d'elle, ils me parlent d'autre personne. Moi, je vous traduis simplement ce qu'ils me disent. Ouais. C'est pas les gens dans ma vie, j'ai pas besoin de Croteau dans la vie. Puis le problème avec les hommes, c'est que les hommes ne savent pas parler des hommes. Les hommes ne savent pas donner devant les hommes la valeur de certains hommes. Parce qu'il y a toujours de la compétition devant les hommes. Parce qu'on manque d'objectivité. Manque d'objectivité. Fait que si c'est un homme qui a de la valeur, ou une femme qui a de la valeur, ou un être qui a de la valeur, l'homme qui le sent ne va pas le dire ou l'autre, ou ne va pas le laisser savoir. Automatiquement, les gens ne peuvent pas bénéficier de ça. Les gens sont toujours dans le secret de personnalité. Le secret. Ça, c'est pas bon. Si t'es conscient, tu connais la valeur d'un être qui peut rendre des services à d'autres personnes, c'est bon que les aides le savent, leur commis, le savent. C'est un problème de compétition entre les égaux qui devient un problème de d'identité. Il n'est plus porté à parler comme gros. Alors? Il n'est plus porté à parler comme quelqu'un que pour quelqu'un. Ouais. Parce qu'on n'a pas d'objectivité. On a peur de perdre quelque chose. C'est une sorte de raison. C'est quoi chose, le loup? Ben non, il y a aussi d'autres mondes que toi. Tu pensais dans l'autre pays? Il n'y a personne qui fait mon travail parce que... Sur la Terre, il y a un homme de fusion. C'est l'homme. C'est le monde. Mais il y a beaucoup d'hommes, d'êtres, qui sont très réceptifs à l'intelligence. Ce manifesteur des êtres reçoit l'intelligence par le cœur. Les maîtres. Moi, qu'est-ce que tu veux faire? Aujourd'hui, j'écoutais quelqu'un à la radio, là, quoi, qui s'appelle Richard Joly, là, qui disait des choses, là, c'était extraordinaire, c'était effectivement, c'était sharp. Ils sont dans l'intelligent. Ah oui, c'était montrer comment il n'y avait pas de démocratie, que c'était un verre, que c'était juste un jeu d'opinion, que le ciel est l'un sur les autres, tout bon. Moi, j'écoutais, je faisais une forme de l'entendre. Mais ce qui fait la puissance de quelqu'un, c'est qu'il est conscient d'être conscient. Lui, il est conscient, mais il n'est pas conscient d'être conscient. J'ai envie de téléphoner pour me dire, mais tu sais, ça n'a pas été la vie, c'est pas...